savoir qui c'est? Ben oui. Alors va chercher goûter. Ah, est-ce que tu peux être embêtant? Apporte de l'orangeade, de la limonade. Il y a des petits pains en raisin. Apporte les galettes bretonnes aussi. Il n'y en a plus. Mais si, il en reste au moins 5 ou 6. Il n'en reste plus. Tu es sûr? Bien sûr que je suis sûr. C'est ce que je te le dis. Oh, tu peux me croire, hein? Apporte les galettes bretonnes aussi. Apporte les galettes bretonnes aussi. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Mais si. Il en reste au moins 5 ou 6. Il en reste au moins 5 ou 6. Il n'en reste plus. Il n'en reste plus. Est-ce qu'il y a des galettes bretonnes? Est-ce qu'il en reste? Non, il n'en reste plus. Marie-Laure apporte les bouteilles, les verres et les petits pains au raisin. Attention à ce que tu fais! Marie-Laure laisse tout tomber. Oh, c'est malin! Ce n'est pas de ma faute. Alors ne pleure pas, c'est pas grave. Alors, tu sais. Attention à ce que tu fais. Attention à ce que tu fais. Marie-Laure laisse tout tomber. Ah, c'est malin. C'est malin. Pourquoi Mireille dit-elle? Ah, c'est malin. Parce que Marie-Laure laisse tout tomber. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Écoute, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Allez, ne pleure pas. Ne pleure pas.